Are you ready? Let's go! Rail Suprême. 2 heures. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Soirée, bienvenue chaque dimanche soir, juste après la spéciale de Diffoul, rendez-vous avec Rail Suprême. DJ Case est au platine, DJ Case est au contrôle. C'est parti pendant, allez, un peu plus d'une heure, voire deux heures complètes avec DJ Case. Coup d'envoi de ce Rail Suprême maintenant. Édition Cosmos présent. DJ Mourad. C'est ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas fané. J'mets les laisser dans le vini, car ce soir j'suis dans mon délire. Ouais, peu seul, ça devient terrible. Ouais, ouais, ouais, ouais. Pas trop de folie, même mon blé dans mes reconnus. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ouais, ouais, ouais. Un plus on a Charlie, ouais, n'a pas rien dansé. Le DJ Mourad a compris les dangers. On fera le bled, ça va pas changer. J'suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Younes la France, il a le boulot. Tunis DZ, longue vie à nos potos. Neuroman, t'es le jet set. J'passe à Kema pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe. J'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tapé mon passeport. J'vais laisser tout mon fric. Marina joue l'un de peau. Va dire à Lucien Albo. Ferrari en Abeya. Comme si j'étais Dubaï. C'est de

Le gens sont bien, j'ai le char. On en veut après ton héritage. Le pied et les yeux des jeunes.

steeds klopt zonder mijn ideeën. Want beveilig rust weten wie die kijkje is. Kijkje is. Baby girl, ik ben een man. Je wou me voorstellen, maar ze kennen me al lang. Ze kennen me al lang. Hey. We kunnen dansen op La Banda. Avec mon équipe comme d'habitude, toujours de l'attitude, personne s'y habitue. DJ Ken, frais avec ou sans thune. Puis je l'ai remarqué, et la petite m'a remarqué. Elle me provoque des maux de tête, j'ai même pas son fan tel qu'on s'est déjà contacté. J'ai jamais su son prénom, pourtant la fait connaissance dans la pénombre. Posté sous les néons, avec un ange poussé par mes démons. Et j'avais besoin d'une danse. Et j'avais besoin d'une danse. Et j'avais besoin d'une danse. Et j'avais besoin d'une danse. Et j'avais besoin d'une danse. Je sais ce que tu veux. Et j'avais besoin d'une. Tu sais ce que je veux. Et j'avais besoin d'une. Tu sais ce que je veux. Demande-moi. Juste demande-moi. Juste demande. Reste pas seul dans ton coin. Et viens qu'on fasse le point ensemble. On s'est assez blessé, on revient de loin. À taper du poing le cœur ensemble. Des embrouilles, des galères, ça suffit. Des problèmes, s'il te plaît, n'en deviens pas. Je te regarde, je vois bien que tu te soucies. T'inquiète pas, pour nous je vois déjà loin. Car je sais ce que tu vaux. Donc tu sais ce que je veux de toi. Tu sais ce que je vaux. Donc je sais ce que t'attends de moi. Demande-moi. Juste demande. Demande-moi. Juste demande. Girl, I love you. It's funny. Just in case they never know. Just in case they never know. Love you, girl, do you feel the same? I don't wanna play games. No games. You're the only one taking all my blame. Baby, just play it straight. No games. C'est le moment fou. Ma, ma, ma. T'as vu le bout du quai là. About this girl we had just meet. She looking fly, yeah, she looking it. The boys looking like money right from my head down to my feet. And she didn't smile at me, yo. I don't really know what it means. So, me, I'm in a bit of a limbo. Still, I will make a move on this young lady. Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Can I get your number, girl? Me, I wanna call you up. See, I want your number. Every man say for fi come along. Go fi your sun tan inna the summer sun. If you want play champ, go back home. Go fi your umbrella cause the sun a burn. The young girl dem a bring it on. In a bikini dem in a pretty tongue. You know fi shy girl bring it come. If you have a fool, fool man give it on. Want more may come from me now. Pretty girl does a pose like domino. And the tongues dem a rub them down you know. Inna the shade big street pass from me now. Uptown full of fun, you know. ATI, we are going on. Cherry Garden. Dream Weekend coming on. Hillsborough, Jackson. Smash, I got done, you know. Oh, oh, here we go. Summertime is here, you know. It's a holiday. School is closed. We feel the vibes, you know. Summertime in a front row. Summertime in a Kingston. Summertime in a country.

Clément sur Skyrock. mérite. On s'est construit un empire qui nous ressemble vraiment. Et dire qu'on pensait être libre, sans même tourner les pages du livre. Quand quoi rien n'était possible, on a figé le temps. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. 2 heures. Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. C'est l'émission. C'est Skyrock et le dimanche soir, c'est Rail Suprême avec DJ Case pour cette première partie mixée par DJ Case. Rail Suprême, ça continue dans un instant. Attention à ne pas louper. C'est désormais une nouvelle rubrique, j'ai envie de dire, dans Rail Suprême. On vous passe les sons qui cartonnent au Maghreb. Merci d'ailleurs, on reçoit beaucoup de messages. Continuez à tweeter, à balancer des messages avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock. On écoutera dans un instant, notamment Fab. Yab Amir. Yab Amir qui fait un véritable carton au Maghreb. On l'écoute dans un instant dans cette session mixée. C'est ceux qui cartonnent au Maghreb, mixé par DJ Case maintenant. Matin sur Skyrock, les stars réveillent la France. Allez, c'est au tour de Black M de réveiller les familles ce matin. Allô. 1-2-1-2 ici, le Big Black M en personne, l'éternel insatisfait. C'est des conneries. Écoutez, ça continue comme ça, on appelle la police. Hein. Le réveil de stars sur Skyrock, c'est tous les matins à 6h10, 7h10 et 8h10 dans le morning de Diffoul sur Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Tu es dans ma paranoïa. Moi Skyrock. C'est Jules sur Skyrock. C'est dans ta marouille. Y'a des petits gars. Je ferme mon, je peux quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. Depuis des mois, Jules cumule tous les records. Jules sur Skyrock. Après 14 titres découverts sur Skyrock. On m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Jules choisit Skyrock pour te faire découvrir l'OVNI. Mon nouvel album sur Skyrock. Elle a le regard qui tue, qui tord. Une heure de nouveau rap non-stop avec Jules. De 20h à 21h, tous les soirs en direct avec Fred sur Skyrock. Planète Rap. Et retrouve l'émission rap numéro 1 en France en vidéo live et en exclu sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock gratuite. Skyrock. Numéro 5. تقولي يا سمحي لي يا خلينا احسن زيد مرحبا بك معانا الله يحفظك ماريشا ارواح اللي ما عندك انا ايدي في ليك نزيد ونسى والهموم ورانا سلامة سلامة اللي ما بغانا غير انسانا سلامة سلامة بقى انا كي لك لابورانا سلامة سلامة قدرت وموما مهمانا عايزين نحيا في مكان شي في طاقة تلقانا Je vais chanter, chanter comme comme, comme si personne ne m'entendait. Je vais danser, danser comme comme, comme si personne ne regardait. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je vis chaque jour comme si c'était le premier. غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني أنا من الغدار ولا كنت نفكر أنا من ويت الغدار ولا كنت نفكر حيران غلطانة Avec Fred et DJ K sur Skyrock. تغريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي تغريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي أنا ما نويت لغدار ولا كنت نفكر أنا ما نويت لغدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفع كندامة غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة Numéro 2 يو كيف الهذيل في صاص الليل تحضار هشبط الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت كيف الهذيل أصليل تحضر عشبط الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند مع الراس متلالي الصوت البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن عليا ولا نقول هاد الموند عايت انتي حتى لالي الصوت يوم حن عليا ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن عليا ولا نقول هاد الموند عايت انتي حتى لالي الصوت يوم كيف الليل في صاص الليل تحضر شبط الموضيع باغي نشوف ونسمع بابلون أمان رسم تلاني الصاد كيف اللي بيل بصاص اللي ينتحضر شبطل موبيل وباغي شفون سمامة بلوند أمان رسم تلاني الصاد C'est Rail Suprême Skyrock Numéro 1 اللي قال حبك يكذب عليك انقهرتونا ببغيني نبغيك في الاخر تحت ما يستاهل ولي ما كتقولو الحب ماشي سهل في الاخر تقولو تحت ما يستاهل ولي ما كتقولو الحب ماشي سهل سليباتي انا سليباتي عايش بخير هاني الله كبير سليباتي انا سليباتي Numéro 1 كل شي في الاول كيكون زوين الكلام لحلو القلب لحنين خليني انا بعيد نبقى وحيد عز راسي والله ما باغي نطير خليني انا بعيد فضل نبقى وحيد عز راسي والله ما باغي نطير انا سليباتي عايش بخير هاي الله كبير سليباتي انا سليباتي دابت الله في راسك وفلو Come on.

خايفنا حصل لنا اوي باقي نتزوجنا باقي نشربنا خايفنا حصل لنا فاطمه زوينه عيشه حنينه ندي هادي ولا هادي فاطمه زوينه عيشه حنينه ندي هادي ولا هادي Je suis comme ça. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain, ces appels.

قبله ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة صغبية يا لي بويا واش كل بله ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة صغبية Feliz شريتري دي جي كايس ام Le dimanche soir, c'est déjà fini, c'est déjà la fin. DJ Kays, on le retrouvera la semaine prochaine. Il sera là ici pour mixer tous vos sons préférés le dimanche soir à partir de minuit, juste après la spéciale de Difool. Moi, je vous retrouve demain aussi, 9h midi, et entre 20h et 21h, toute la semaine prochaine, il y a Jul qui débarque avec son album. Ciao, bonne nuit, rap R&B en non-stop, c'est reparti.